rentré chez moi, bu un café un peu froid, fatigué de ma journée, la route et tout ça. J'ai coupé des fleurs dans mon jardin pour sentir leur odeur. Je les ai mis dans un vase pour décorer la table pour déjeuner. Je sais, elles vont pas vivre longtemps, mais j'aime ces couleurs et leur parfum. La vie est belle comme ça, la vie est belle comme ça. Leur donner un coup de main.